On commence directement cette spéciale Halloween, mais sans l'image qui bouge, juste les images sur du papier. Oui, avec le tome 11 de Kid Paddle. Déjà le tome 11. Comme l'a dit Xavier là tout de suite, le retour de la momie qui pue, qui tue. Tout un programme. Alors c'est le 11e tome, donc ça fait à peu près 14 ans maintenant. On a droit à notre petit Kid Paddle, pas tous les ans, parce que celui-ci par exemple il a mis 2 ans à le faire. Midam, donc c'est l'auteur. Midam a mis 2 ans à le faire. Alors on retrouve notre petit gars en short et à la casquette verte et au t-shirt orange. C'est vrai que en le disant, je me rends compte qu'il passe sa vie en short. Il n'y a pas d'hiver dans Kid Paddle. Non. Mais il ne grandit pas en même temps non plus. Donc, hein. Oui, c'est comme dans plus, les Simpsons. C'est vrai aussi. Donc on le retrouve, notre petit gars, qui est fan de jeux vidéo, de films d'horreur et de manière un peu plus large, tout ce qui est purulent, gluant, pustuleux et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, je ne sais pas si Midam est joueur lui-même ou s'il a un fils, mais en tout cas, on sent que ça sent le vécu. Pour ce qui est des jeux vidéo et de l'univers et un petit peu du monde qui tourne autour, on sent que le monsieur il s'y connaît un petit peu. Oui, je ne sais pas s'il est encore joueur, mais clairement il a été joueur parce que dès les premiers tomes, et même beaucoup plus dans les premiers tomes où c'était vraiment concentré sur l'univers des jeux vidéo, oui, qu'il a beaucoup plus élargi par après, on sent que ça sort vraiment le vécu. Oui, c'est, et ça fait plaisir. Quand on connaît des joueurs, on connaît des situations qui ne sont pas piquées des vers. Donc, dans ce 11e tome, on retrouve toujours nos personnages préférés habituels. Donc, on a Horace, qui est un des amis de Kid Paddle, qui est le petit naïf de la bande, on va dire. Il est plus son truc, c'est plutôt Rikiki, donc c'est un espèce de canard qui sort des films d'animé assez régulièrement. Donc lui, les trucs un peu gluants et tout ça, il aime un peu moins, mais il fait quand même partie de la bande. On a toujours Big Bang aussi, qui lui est l'espèce de petit savant fou qui invente toujours des trucs technologiques et tout pour... À base de sparadrap souvent, hein, voilà, quand même, il faut oui, bien le dire. C'est un peu le MacGyver tendance savant fou. Ouais, il a quand même fait des trucs en réalité virtuelle et en électromagnétisme qui sont quand même vachement plus impressionnants que MacGyver. Ça, c'est vrai. Oui. Donc on a le papa d'Horace, puisqu'il n'y a pas de maman dans Kid Paddle. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, la maman. Mais donc on a le papa. Dur passé. On a sa sœur, qui a à peu près le même âge que lui, et qui forcément, comme toutes les sœurs, a une chambre tapissée de papier peint rose avec des fleurs, et dont les poupées passent leur temps à finir sous les travaux de Kid Paddle. Donc... Donc, question ravalement de façade. Voilà, donc ces poupées passent souvent à un sale quart d'heure. Donc, dans le tome 11, on a fondamentalement, c'est un mot qui est dur à dire, rien ne change dans ce dernier tome. Ça fonctionne toujours sur le même principe, donc une planche, un gagne. On retrouve toujours les situations récurrentes qui est nos essais toujours infructueux de Kid Paddle et d'Horace pour essayer de rentrer au cinéma voir le dernier film d'horreur enfant non admis. On retrouve aussi les rêveries de Kid Paddle son papa qui serait un agent de la CIA ou du FBI ou en tout cas qui aurait des super pouvoirs, oui, ou qui aurait des super pouvoirs en arts martiaux. Donc on retrouve toujours, oui, les poupées de la sœur qui passent toujours des sales quarts d'heure, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, rien de vraiment neuf sous le soleil, mais il y a malgré tout des petites innovations. C'est qu'on a la présence d'un fil conducteur dans certains gags qui termine ici l'album par une espèce de petite surprise. Donc, ça change pas fondamentalement grand chose, mais il y a un petit changement. C'est que le tome ne se termine pas sur un game over, puisqu'il y a une série qui a été dérivée, puisque certaines planches, c'est un personnage d'un jeu qui est un espèce de petit barbare et il tombe toujours sur des monstres qui l'empêchent de passer au niveau suivant, tu vois, des trucs, il finit toujours par mourir dans la planche. Donc d'habitude ça se termine avec une planche de game over, cette fois-ci ça se termine autrement par une petite surprise. Alors il y a aussi le détournement des graphismes à la manga ou aux comics américains. C'est assez sympathique à voir. Et puis moi, enfin c'est peut-être une c'est peut-être juste moi, hein, parce que c'est mon personnage préféré, mais je trouve que Horace, qui est un peu le Kenny de Kid Paddle, puisqu'il finit toujours à l'hôpital dans l'album. Oui, il meurt pas, mais il est toujours amoché. Voilà, hein. Lui, il finit toujours à l'hôpital. Moi, je trouve que au fil des albums, et surtout dans celui-ci, il finit par un peu voler la vedette à Kenny, je trouve. Pas à Kenny. À Kid Paddle. À Kid Paddle, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Peut-être parce que c'est mon personnage principal préféré, mais je ne sais pas. Je trouve qu'il finit par devenir presque plus principal que Kid Paddle. Je vois aussi qu'il y a des détournements de gravure. Oui, enfin il y a des détournements d'un petit peu tous les styles. Là. Oui, il y a des collages, il y a plein de trucs. Il s'en donne à cœur joie. Hein. Oui. Mais effectivement, Virginie, comme tu disais, on retrouve les réguliers et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui change sous le soleil de Kid Paddle, mais on n'est pas déçus non plus. Non, c'est, j'allais y venir. Et je trouve aussi qu'on sent de plus en plus les influences aussi de Midam. Il y a le déguisement toujours. Ça me fait penser un peu à Gaston Lagaffe, moi, qui cherche un déguisement. Où il y a un peu de Calvin et Hobbes aussi. Il y a beaucoup de l'univers de Calvin et Hobbes, je trouve. Donc surtout les séquences avec le papa, c'est terrible. Voilà, on ça. Sent de plus en plus les influences au fil des tomes. Et donc, si vous aimez ce genre de BD, et que vous avez ri au tome précédent, ben, ça va toujours vous faire rire. Moi, j'adore. C'est toujours drôle et surtout, c'est imaginatif. C'est la fin des gags, on s'y attend pas. Ça arrive toujours à nous surprendre, même si c'est en une planche. Il faut un peu le dire, c'est pas non plus du Shakespeare, c'est pas très profond, mais ça arrive toujours à nous étonner, à nous faire rire. Donc, moi, j'adore Kid Paddle. Ouais. Il peut encore m'en faire 11 comme ça s'il veut, moi je serai toujours client. Oui, et puis de toute façon je trouve qu'une des raisons pour lesquelles on n'est pas déçu, c'est que effectivement ça se renouvelle, c'est toujours imaginatif, il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil, mais c'est quand même original, et la grande qualité du truc c'est que, bon, Kid Paddle c'est quand même fort trash par moment, hein. Oui, il y a quand même des cerveaux, des pustules. Il aime bien les films d'horreur, il aime bien les trucs. Il aime beaucoup, mais ça ne donne jamais dans la surenchère. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, à un moment donné, il va en mettre un peu plus, histoire d'aller un peu plus loin. Eh bien, jamais. Il reste toujours au même niveau. On a quand même des bras coupés, le petit personnage. Oui, mais on a toujours eu des trucs bien. Mais ça reste toujours un bon enfant. C'est ça. Gore, mais avec un bon esprit. Voilà. Oui, effectivement. Mais ça s'adresse essentiellement à un public enfantin. Je pense que ça a même été. Et je me demande si des planches n'ont pas été publiées dans Mickey Magazine ou des trucs comme ça. Ah bah, il a fait les beaux jours de Spirou aussi. Hein, toujours d'ailleurs. Toujours. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est bien parce qu'il s'adresse à plein de publics, parce qu'il est aussi dans Télémoustique, Kid Paddle. Hors Télémoustique. Parce que bon, nous, on n'est plus des enfants, on est un peu des grands-enfants, mais ça nous fait tout aussi rire que les enfants. Et puis, il faut aussi signaler que ce Kid Paddle sort donc en édition normale, cartonnée, 44 planches, tout à fait classique, et une édition tout à fait spéciale, exclusivement pour ce numéro 11, qui s'appelle La momie qui pue aussi, mais le premier qui pue est plus grand. Pourquoi ? Parce que qui tue. C'est la momie qui pue qui tue. C'est ça, oui, pardon. Je me trompe, mais je suis un peu dyslexique des yeux, moi. Et donc, cette version spéciale de l'album, qui est à peine un tout petit peu plus chère, elle est en odorama. Voilà qui est intéressant. On peut ressentir les trucs purulents, la momie. C'est ça, parce que globalement, on parle quand même de bras coupés, de cerveau exposé, de pustules, de momies, de monstres. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il y a plein de bonnes odeurs. Voilà. Donc, c'est à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de Chanel numéro 5 dessus. Probablement pas, non. Peut-être sur les poupées de la sœur, et encore, c'est pas gagné. Donc voilà, un chouette album, Kid Paddle. Oui, et, très chouette album. C'est drôle, il faut pas bouder son plaisir, Kid Paddle. Hein ? Donc c'est évidemment publié chez Dupuis et si vous êtes peut-être déjà tombé dessus, il y a également une série animée dérivée de la BD qui est plutôt pas mal foutue et qui est vraiment très très fidèle à l'esprit. Moi et ça m'a tout perturbé quand je les ai vus parce que je les imaginais pas parler comme ça. Moi. Ouais, ils ont pas utilisé la vraie voix. Ouais, c'est comme ça. Ah, oui. C'est comme la voix d'Astérix. Ils ont eu les droits pour l'image mais pas pour la voix de la BD, c'est quand même nul. Hein. Mais donc c'est une série qui est de plutôt bonne qualité. C'est vrai. Ce qui n'est quand même pas trop mal. Oui. Chez Dupuis, il n'y en a pas des tonnes. Oh, bon, on va avoir une discussion en antenne. Je parlais de la série animée.